Vous écoutez Futur Simple, c'est François Yawar qui vous parle. Et nous nous envolons maintenant vers le Yucatan en compagnie de Marie-Claude Dionne, notre chroniqueuse passionnée d'archéologie. Bonjour Marie-Claude. Bonjour François. Alors Marie-Claude, le Yucatan, c'est le pays des Mayas. On y a découvert beaucoup de sites archéologiques et les archéologues viennent d'en faire une nouvelle découverte. Oui, en effet, ce soir, je parle des Mayas, donc, et vous avez peut-être même vu passer cette nouvelle-là il y a à peu près une semaine ou deux concernant une énorme découverte au Mexique de près de 400 objets qui ont été retrouvés dans une grotte. Ce qui m'a frappé quand j'ai lu l'article, c'est qu'on y parlait d'un trésor scientifique. Et cette façon de décrire cette découverte-là m'a un peu intriguée, disons-le. Qu'est-ce qui fait que cette découverte-là soit plus scientifique qu'un autre? Allons regarder ça ensemble. Oui, alors c'est une bonne remarque. Alors, quel est donc ce trésor scientifique? Oui, en fait, il y a une équipe d'archéologues qui a retrouvé un lot de 400 objets dans une grotte, comme j'ai mentionné, au Mexique, sur le site de Chichen Itza, en plein cœur de la civilisation maya. Chichen Itza, c'est peut-être un mot ou une place qui vous dit quelque chose. En fait, il s'agit d'une ancienne ville maya située dans la péninsule du Yucatan. Elle semble être le principal centre religieux de la région pendant le premier millénaire, ce qui en fait un lieu de prédilection pour les fouilles archéologiques. Et la présence d'une ancienne cité maya à cet endroit-là, c'est pas anodin, c'est dû à la présence de 5 puits naturels ou qui sont aussi appelés des cénotes. Donc, dans cette grotte-là, plusieurs objets, on parle d'à peu près 400 objets qui ont été retrouvés, dont, entre autres, des brûleurs d'encens. Certains exemplaires de ces brûleurs-là ressemblent, en fait, représentent plutôt le dieu de la pluie Chac. Et on retrouve également des assiettes décoratives. Et est-ce qu'on a pu dater ces objets? Les experts estiment que les brûleurs d'encens pourrait dater de l'époque de ce qu'on appelle le post-classique dans la civilisation maya, donc entre 700 et 1000 ans après Jésus-Christ. C'est une datation qui repose sur le style artistique des objets retrouvés, donc c'est pas une datation qui se veut absolue. Ça a pas été entrepris du tout non plus comme style d'analyse. Les scientifiques espèrent que la datation des vestiges va éventuellement permettre de savoir qui étaient et d'où venaient les Itzaï, donc le peuple précis maya qui vivait dans cette région-là de la péninsule du Yucatan. Et de façon plus générale aussi, ces objets-là pourraient peut-être éventuellement permettre de mettre en lumière l'ascension et la chute de la civilisation maya. Oui, et il n'y a rien d'extra-scientifique dans ce que tu viens de nous dire. En effet, on reste dans la découverte plutôt anodine quand on parle d'archéologie. Une simple, quoique très belle découverte, là, soit dit en passant, d'objets qui vont permettre de renseigner des archéologues et des historiens sur la civilisation maya, qui d'ailleurs cache encore beaucoup de secrets. Rien qui ne saurait être différent si on veut comparer sur un autre site archéologique ailleurs dans le monde. Il n'y a rien de particulier. Ce qui est particulier toutefois avec cette découverte-là, c'est la grotte en soi, parce que c'est son contexte de découverte. Cette grotte-là, elle a été découverte il y a à peu près 50 ans par un chercheur de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique. Et l'archéologue en question avait décidé de bloquer l'entrée de la grotte, mais pas avant de rédiger un rapport technique sur ce qu'il avait découvert. Mais dans ce rapport-là, on ne faisait pas du tout mention de la localisation de la grotte. OK, mais est-ce qu'on sait pourquoi? Pas exactement. La raison demeure inconnue, mais on peut toutefois s'avancer à dire que le chercheur voulait préserver du mieux qu'il pouvait l'état de la grotte, conserver les objets, et le meilleur moyen reste de cacher la découverte. Ben oui. Parce que après tout le travail de l'archéologue, c'est un petit peu une destruction, donc c'est son moyen de conserver le tout. Et aujourd'hui, mais la grotte est de retour sur les radars des archéologues, malgré la précaution d'antan, grâce à l'archéologue Guillermo de Anda. En fait, la découverte s'est déroulée l'année dernière, un peu par hasard d'ailleurs, car il n'avait jamais pris connaissance du rapport en question. Donc, il n'avait aucune idée que cette grotte-là existait. En fait, ce qui est arrivé, c'est que de Anda, lui, travaille dans la région depuis plusieurs années déjà, et il se spécialise sur l'étude de la géographie sacrée des Mayas, tout en explorant les grottes et les cénotes, donc les puits naturels. Il dirige aussi à l'heure actuelle la faculté d'archéologie sous-marine de l'Université autonome du Yucatan. Et ses recherches l'ont amené à s'aventurer dans des vallées qui sont adjacentes au temple de Kukulcan, afin de trouver une entrée particulière sur un des cénotes de la région et de connaître les connexions entre plusieurs grottes qui avaient été inondées. Et ces cénotes ou ces puits naturels sont considérés comme des ouvertures au monde souterrain, selon les anciens Mayas. Donc, on revient à la géographie sacrée de ce peuple-là. Et une des portes d'entrée, dit-on, serait située en dessous du fameux temple de Kukulcan. Donc, Deanda est à la recherche de cette porte d'entrée au monde des morts, si c'est on veut. Ça, et il y avait un habitant dans la région qui aurait abordé l'équipe de Anda et lui-même en lui disant que tout près se situait une grotte qui avait été murée il y a 50 ans plus tôt. Donc, cette grotte est demeurée intacte depuis tout ce temps, c'est ça qu'on comprend? Oui, exactement. Et c'est cette circonstance-là qui peut peut-être faire que la découverte en soi est extraordinaire. Parce que oui, c'est quand même assez intéressant d'avoir une grotte dans son état qui n'a pas été touchée depuis 1000 ans, outre le passage de l'archéologue. Donc, personne depuis au moins 50 ans n'aurait mis les pieds dedans. Donc, personne n'a pu voler les artefacts. C'est vraiment le plus gros problème aussi, outre la destruction. Le vol. Oui, le vol est assez un peu dommage, disons. Et d'après le nombre d'objets et aussi l'état de conservation plutôt général de l'endroit, on peut vraiment supposer que personne n'a mis les pieds depuis des centaines d'années. Contrairement, disons, à plusieurs autres sites archéologiques, j'en ai déjà parlé dans le passé, les pyramides d'Égypte sont encore la proie de plusieurs pilleurs. C'est dommage, mais on trouve quand même des découvertes archéologiques dans ces pyramides-là, mais souvent après coup, après de remarquer le passage des voleurs et des pilleurs. Après le pillage. Oui. Donc, cette grotte-là, elle a été explorée par Deanda et son équipe. On sait qu'elle est profonde d'environ 24 mètres et qu'on doit emprunter plusieurs galeries tortueuses avant d'y arriver. Ouais, son accès a l'air compliqué, je pense. Exactement. Et en fait, Guillermo Deanda raconte qu'il a fallu ramper pendant plus d'une heure et demie avant de se rendre au lot des vestiges archéologiques. Donc, c'est quand même assez intense comme passage. Il était très bien enfoui dans la grotte. Mais avant même que le groupe d'archéologues puisse se rendre à l'intérieur de la caverne, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques Mayas, des habitants qui sont dans la région, avaient averti le groupe d'archéologues qu'il y avait un serpent corail qui était le gardien de cette grotte. Et en effet, il y a un reptile de ce type-là qui se promenait en avant de la grotte. Puis c'est le serpent qui est rouge, jaune et noir, là, qu'on peut s'imaginer. C'est un des plus venimeux qui existe en ce moment sur la Terre. Puis le serpent a bloqué pendant 4 jours l'accès du mur de la grotte aux scientifiques. Et pour être certain de ne pas s'attirer la haine des dieux, et sous le conseil des habitants de la région, l'équipe a organisé une cérémonie d'expiation. Les habitants ont aussi indiqué que le premier archéologue qui avait trouvé la grotte avait également procédé à ce même rituel. OK. Très intéressant. Et qu'est-ce qu'on sait, en fait, sur cette grotte? C'est une grotte qui s'appelle, pour les gens de la région, on la nomme Balancou. Et selon la mythologie maya, Balancou, c'est le dieu jaguar. Donc, lui, c'est un dieu qui est le dieu des champs et des cultures. Et on dit qu'il est capable d'entrer et de sortir du monde souterrain, donc du monde des morts. Et moi, ça me fait rappeler, là, pour les fans de mythologie grecque, ça me fait penser beaucoup à Perséphone, qui est aussi la déesse des cultures et des champs, et qui est dans le monde souterrain 6 mois par année, et elle sort les 6 autres... autres mois. Déesse grecque, j'imagine. Exactement. Mmh. Et la grotte, c'est sûr que pour les Mayas, c'est un endroit qui est surnaturel, qui va relier le monde des morts à celui des vivants. Donc, on peut penser que si on apporte des objets si loin, si profondément dans une grotte, il y a un but précis. Là, c'est pas quelque chose qui est laissé à tout hasard. Et mettez-vous à leur place, là, transportez des objets à ce nombre quand même assez énorme, le 400, en parcourant des petits chemins qui sont peu commodes. L'accès étant déjà pas facile. Exactement. C'est pas une mince affaire, si on veut. Ces gens devaient assurément devaient se rendre dans le fin fond de cette caverne-là, mais c'est sûr que la raison exacte et elle nous échappe encore un peu aujourd'hui. C'est sûr qu'on peut s'avancer à dire que c'est probablement un lieu de culte qui permettait de faire le pont, justement, entre les morts et les vivants. Mais bon, on n'est jamais certain à 100%. Maintenant, on s'attend aussi à la suite de l'analyse de l'archéologue de Anda à découvrir peut-être d'autres objets, d'autres restes, des vestiges archéologiques, mais peut-être aussi des restes humains. Ça arrive souvent dans d'autres contextes archéologiques. Donc, peut-être sous l'accumulation de boue et de sédiments, on trouvera ça dans le futur. Les prochaines étapes sont donc de compléter l'exploration de la grotte et du réseau de cavernes et aussi l'analyse en soi des artefacts. Et éventuellement, l'équipe voudrait aussi faire un scan 3D de la grotte pour en faire une réplique, puis peut-être à ne pas toujours avoir à se promener à l'intérieur. Comme on a fait pour les pyramides de Khéops, je pense. Exactement. Donc, François, au final, je vous le confirme, c'est une découverte qui est ni plus ni moins scientifique que n'importe quelle autre découverte que je vous ai présentée ici à Futur Simple ces dernières années. Et je vous l'assure aussi, ça sera le cas également pour toutes mes futures interventions ici. L'archéologie, c'est une science. Toute découverte est forcément scientifique. Ben, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, François. Et du Yucatan, on passe aux Philippines pour découvrir comment les bajots se sont adaptés pour plonger en apnée. Alors, pour le savoir, restez avec nous sur CKRL 89.1.